Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La Pologne n'existe peut-être pas, mais quand on a été roi d'Aragon et que l'on est redevenu simple capitaine de dragon, sans doute est-il difficile de s'en contenter. Surtout si son conjoint, sa conjointe, la mère Ubu, vous pousse à vous élever de nouveau dans la société. Elle peut rêver, cette mère Ubu. Dans 8 jours, elle pourrait se retrouver reine de Pologne. Chandelle verte, jarnie coton bleu, une série intitulée « Tyrans et mégères » signée Marguerite et Jean Allais ne pouvait qu'accueillir le père et la mère Ubu. Nous étions le 21 août 1963 sur la chaîne parisienne. Tyrans et mégères. Une émission de Marguerite et Jean Allais. Nous avons trouvé tout le long de l'année un certain nombre de tyrans plus ou moins odieux, plus ou moins historiques. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Historique? Ben oui, qu'est-ce que vous avez compris? Oh, je craignais avoir entendu hystérique. Oh non, non, j'ai dit historique. Ah bon? D'ailleurs, j'aurais aussi bien pu dire hystérique, car ce mot serait applicable à beaucoup de tyrans. Beaucoup, oui. Bon, alors cela dit, nous n'avons pas trouvé parmi tous ces grands lyriques, Shakespeare et les autres, une seule bonne grosse satire destinée simplement à nous faire rire tout en négligeant Attendez. Quoi? Non, je devine. Je devine. Il s'agit aujourd'hui d'Uburoy. Quel don de double vue. Eh bien, c'est en effet à Uburoy que je pensais. Mm-hmm. Uburoy, écrit par un enfant de 15 ans. Voilà. Comment ça, 15 ans? 15 ans, exactement, oui. Voilà donc, à la vérité, le très grand charme de cette œuvre, qu'on dit même chef-d'œuvre, et qui a secoué heureusement à son heure une série de vieux clichés, dont la fin du 19e siècle et le début du 20e étaient encombrés. Oh oui. Mais je me demande, si Uburoy a été créé aujourd'hui, s'il aurait le même retentissement. Bien entendu, à chaque époque, il pourrait y avoir une espèce de nécessité d'Uburoy. Comment ça? Mais chaque époque ayant ses dadas, oui, je m'exprime vulgairement pour bien me faire comprendre par merci, vous. Merci, merci. Enfin, pas de quoi. Il peut toujours se trouver un esprit neuf, jeune, qui donne un sérieux coup de pied dans les plates-bandes. Ah, pas mal raisonné. Merci. Le premier jet d'Uburoy fut écrit pour un théâtre de marionnettes. C'était en 1888 et il faudra attendre 1896 pour voir cette fameuse bouffonnerie sur de véritables planches, c'est-à-dire au théâtre de l'œuvre, présentée par Lugnepo. Ce fut un immense succès. Un succès avec grand bruit et discussion, ouais, bien sûr. Et ce succès n'eut pas de très heureuse suite. Non, non. Jarry avait fait avec Ubu une pièce bien construite dans un style sotti du Moyen-Âge. La langue en était fort personnelle, mais l'auteur fut très surpris de son succès. Alors, fort de cette surprise, il voulut continuer dans le même esprit. Il voulut faire une trilogie et ajouter à Uburoy un Ubu enchaîné et un Ubu coq. Et même plus tard, un Ubu sur la butte. Oh, j'ai jamais eu connaissance de ces trois dernières manifestations. La Revue Blanche publia en 1902 de ses élucubrations et ce n'est qu'en 1937 que fut représenté Ubu enchaîné. De quoi s'agissait-il dans cet enchaîné-là? Eh bien, Jarry reprenait son Uburoy à rebrousse-poil. Comment ça? Le père Ubu, instruit par l'expérience, est résolu à devenir esclave. Tiens, à ce propos, il ne me déplaît pas de me rappeler une fort belle citation de Tolstoï, que je tiens de vous d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous ne tenez pas de moi? Ah, c'est vrai. Bon, alors allez-y de votre citation, mademoiselle. Le lien le plus fort, dit-il, le plus indestructible, le plus pénible, le plus durable qui nous unit à nos semblables, est ce qu'on nomme la puissance, qui dans son vrai sens n'est pas autre chose que la plus grande dépendance que l'on puisse subir de la part des autres. Voilà une bonne illustration pour le revirement du père Ubu, qui demande à devenir esclave après avoir été roi. Oui. Je ne peux que vous louer de votre à-propos. Alors maintenant, plongeons-nous dans Uburoy. Vous vous souvenez de la fabulation? Assez vaguement, oui. Alors je vais rafraîchir votre mémoire infidèle. Nous sommes en Pologne, où Ubu, ancien roi d'Aragon et présentement capitaine de dragons, officier de confiance du roi Venceslas et décoré de l'ordre de l'aigle rouge de Pologne, jouit d'une haute situation et de la faveur du roi. Mais sa femme, mère Ubu... Une mégère. Certainement, mère Ubu, donc, n'est pas satisfaite de ce rang. Une arriviste. Alors, pour entraîner son mari vers de plus hautes situations, elle l'aguiche par un tableau séduisant de la vie de souverain. Tu pourrais augmenter indéfiniment tes richesses, manger fort souvent des andouilles et rouler carrosse par les rues. Voilà la situation posée. Nous passons par toutes les tribulations des ambitieux déchaînés et je crois que le mieux maintenant d'ailleurs est de donner la parole au ménage Ubu et à ses acolytes. Merde ! Oh ! Voilà du joli, père Ubu. Vous êtes un fort grand voyou. Que ne vous assomme, mère Ubu ? Ce n'est pas moi, père Ubu, c'est un autre. autre qu'il faudrait assassiner. De par ma chandelle verte, je ne comprends pas. Comment, Père Ubu? Vous êtes content de votre sort? De par ma chandelle verte, merde, madame, certes oui, je suis content. On le serait à moins. Capitaine de dragon, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon. Que voulez-vous de mieux? Comment? Après avoir été roi d'Aragon, vous vous contentez de mener aux revues une cinquantaine d'estafiers armés de coupe-choux quand vous pourriez faire succéder sur votre fiole la couronne de Pologne à celle d'Aragon? Ah, Mère Ubu, je ne comprends rien de ce que tu dis. Tu es si bête. De par ma chandelle verte, le roi Venceslas est encore bien vivant. Et même en admettant qu'il meure, n'a-t-il pas des légions d'enfants? Mais qui t'empêche de massacrer toute la famille et de te mettre à leur place? Oh, Mère Ubu, vous me faites injurer, vous allez passer tout à l'heure par la casserole. Mais pauvre malheureux, si je passais par la casserole, qui te raccommoderait tes fonds de culotte? Eh, vraiment, et puis après, n'ai-je pas un cul comme les autres? À ta place, cul, je voudrais l'installer sur un trône. Tu pourrais augmenter indéfiniment tes richesses, manger fort souvent de l'andouille et rouler carrosse par les rues. Si j'étais roi, je me ferais construire une grande capeline comme celle que j'avais en Aragon et que ces gredins d'Espagnols m'ont impudemment volé. Tu pourrais aussi te procurer un parapluie et un grand caban qui te tomberait sur les talons. Je cède à la tentation. Bougre de merde, merde de bougre. Si jamais je le rencontre au coin d'un bois, il passera un mauvais quart d'heure. Ah bien, Père Ubu, te voilà devenu un véritable homme. Oh non, moi, capitaine de dragon, massacrer le roi de Pologne. Plutôt mourir. Oh merde. Ainsi, tu vas rester gueux comme un rat, Père Ubu. Ventre bleu de par ma chandelle verte, j'aime mieux être gueux comme un maigre et brave rat que riche comme un méchant et gras chat. Et la capeline, et le parapluie, et le grand caban. Bien après, Mère Ubu. Merde! Il a été dur à la détente, mais votre merde! Je crois pourtant l'avoir ébranlé. Grâce à Dieu et à moi-même, peut-être dans 8 jours, serai-je reine de Pologne! Nos invités sont bien en retard. Oui, de par ma chandelle verte, je crève de faim. Mère Ubu, tu es bien laide aujourd'hui. Est-ce parce que nous avons du monde? Oh, merde! Tiens, j'ai faim, je vais mordre dans cet oiseau. C'est un poulet, je crois. Il n'est pas mauvais. Oh, malheureux, que fais-tu? Que mangeront nos invités? Ils en auront encore bien assez. Je ne toucherai plus à rien. Mère Ubu, va donc voir à la fenêtre si nos invités arrivent. Voici le capitaine Bordure et ses partisans qui arrivent. Mais que manges-tu donc, Père Ubu? Oh, il y a un peu de veau. Le veau? Le veau, il a mangé le veau! Au secours! De par ma chandelle verte, je te fais arracher les yeux! Bonjour, messieurs. Nous vous attendons avec impatience. Asseyez-vous. Bonjour, madame. Mais... où est donc le Père Ubu? Me voilà, me voilà! Sapristi, de par ma chandelle verte, je suis pourtant assez gros. Bonjour, Père Ubu! Asseyez-vous, mes hommes! Ouf! Un peu plus enfoncez ma chaise. Eh, Mère Ubu! Que nous donnez-vous de beau aujourd'hui? Voici le menu. Oh! Ceci m'intéresse! Soupe polonaise, côte de raston, veau, poulet, pâté de chien, croupion de dinde, charlotte russe... Allez, en voilà assez, je suppose. Y en a-t-il encore? Bombe, salade, fruits, dessert, bouillie, topinambour, choux-fleurs à la merde... Et me crois-tu empereur d'Orient pour faire de telles dépenses? Oh, ne l'écoutez pas, il est imbécile. Oh, je vais aiguiser mes dents contre vos mollets. Oh, d'une plutôt, Père Ubu. Tiens, voilà de la polonaise. Bougre que c'est mauvais. Mais...

que les finances vont passablement. Un nombre considérable de chiens à bas de laine se répand chaque matin dans les rues et les salopins font merveille. De tous côtés, on ne voit que des maisons brûlées et des gens pliant sous le poids de nos finances. Et les nouveaux impôts, monsieur Hubu, vont-ils bien ? Point du tout. L'impôt sur les mariages n'a encore produit que 11 sous. Et encore, le père Hubu poursuit les gens partout pour les forcer à se marier. Sabre à finance, corne de magidouille, madame la financière. J'ai des oreilles pour parler et vous une bouche pour m'entendre. plutôt non, vous me faites tromper, vous êtes cause que je suis bête. Mes cornes d'Hubu. Allons bon, qu'a-t-il encore celui-là? Va-t'en, sagouin, ou je te poche avec décollation et torsion des jambes. Ah, le voilà dehors. Mais il y a une lettre. Lila, je crois que je perds l'esprit ou que je ne sais pas lire. Dépêche-toi, Boufresque, ce doit être de Bordure. Tout justement. Il dit que le tsar l'a accueilli très bien, qu'il va envahir tes états pour rétablir Bougrelas et que toi, tu seras tudé. Oh, oh, j'ai peur. Ah, je pense mourir. Ah, pauvre homme que je suis, que devenir, grand Dieu, ce méchant homme va me tuer, Saint Antoine et tous les saints, protégez-moi, je vous donnerai de la finance, et je brûlerai des cierges pour vous, Seigneur, que devenir ? Il n'y a qu'un parti à prendre, Père Ubu. Lequel, mon amour ? La guerre ! Vive Dieu, voilà qui est noble ! Oui. C'était Tyrans et Mégères, Hubu Roy d'Alfred Jarry, une émission de Marguerite et Jean Allais. Présentation Lisette Lemaire et Pierre Delbon, avec Rosy Wart, Jacques Mauclair, Robert Murzeau, René Renaud, René-Jacques Chauffard. Réalisation Claude Roland-Manuel. Première diffusion sur la chaîne parisienne le 21 août 1963. Émission que vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture. Comme le chien de monsieur Jean de Nivelle, tu ne viens jamais à moi. Quand je t'appelle, qu'importe le temps, qu'emporte le vent. Mieux vaut ton absence que ton inconséquence. Quand par hasard dans mon lit je te rencontre, on ne peut pas dire que tu sois pour, ni que tu sois contre. Qu'importe le temps, qu'emporte le vent, mieux vaut ton absence que ton impertinence. Dans tes yeux, je vois mes yeux. T'en as de la chance, ça te donne des lueurs d'intelligence. Qu'importe le temps, qu'emporte le vent, mieux vaut ton absence que ton incohérence. En d'autres occasions, je chanterai les transes de l'amour, mais aujourd'hui je m'en balance. Qu'importe le temps, qu'emporte le vent, mieux vaut ton absence que ton indifférence.